On va parler de golf. On va parler avec notre golfeur de Chicoutimi, Pierre-Alexandre Bédard. On va lui piquer une petite josette parce que ça a bougé pas mal là, au cours des dernières semaines avec lui. Il est allé au tournoi de Québec, du tennis également. Hier, il était à Toronto en fin de semaine sur la Saint-Prime. Salut Pierre-Alexandre. Salut Danny. Pierre-Alexandre, oui, ça a bougé pas mal. Le Duc de Kent, l'Alexandre de Tunis. Les dernières semaines, comment ça s'est passé dans ton cas? Oui, je suis allé à Ottawa pour l'Alexandre de Tunis, un terrain que je connaissais pas, le Ottawa One. Ouais. Un super de beau terrain qui était quand même assez difficile. J'en ai sorti de là avec deux rondes de plus un. J'ai eu de la misère à faire des bons potes. Mais non, sinon j'étais quand même content. J'ai joué 73 en fait. Fait que bon, ça me donnait une septième position. Ensuite, là, je m'en allais au Duc de Kent, au Royal Québec, à Québec. Puis j'avais dans la tête vraiment de gagner le tournoi. Ça faisait 2 années en ligne que je terminais deuxième, donc je l'ai gagné, mais j'ai joué moyen en première ronde. Moyen, un bon premier neuf, deuxième neuf un petit peu plus dur. Le lendemain, j'ai eu un bon départ. J'étais à 2 coups de la tête. J'ai commencé avec 2 birdies pour être égalité en première position. Puis fait quelques bogeys sur le pour finir le premier neuf. J'ai joué un neuf de 32 sur le dernier neuf du tournoi pour finir à moins 5 total. Okay. Le gagnant aussi a joué 32 sur le dernier 9 pour jouer moins 8 total, dans le fond, pour gagner. Donc, j'ai fini 3e au Duc de Kent cette année. J'étais encore pour une 3e année consécutive le meilleur joueur de la région de Québec, le trophée André Gagné. Ça, c'est ce qui complète là, pour les deux premiers tournois de la triple couronne. Dans le fond, il reste le 3e de championnat provincial du 25 au 28 juillet à Laval. OK. Et puis, dans le fond, hier, j'étais allé faire la qualification aussi pour le Monday Qualifier du RBC, du Canadian Open. Puis, j'ai terminé en 25e position. J'ai joué un score de plus 1. Ça s'est passé à moins 3. OK. Écoute, j'ai vraiment bien joué. J'étais vraiment content de ma game. Les conditions n'étaient pas faciles. Des vagues très rapides, très dures, avec du bon vent. Ça n'a pas joué fort. Puis, moi, j'ai fait 2 bons coups là sur le premier neuf qui m'ont probablement mes 2 meilleurs coups de la journée qui ont tombé à peu près à 5-6 pieds du drapeau. Mm. Je pensais que j'allais avoir une chance de birdie qui se sont transformés en double et bogey. Qui ont pas resté sur le verre. Fait que ça m'a fait que j'ai pas pu passer, mais je suis quand même content. Il y avait des bons joueurs là-bas. Non, c'était une belle expérience pour moi quand même. OK. Ça, c'est-tu le tournoi que Dave Lévesque est? Parce qu'on a vu passer ça sur les médias sociaux. Dave Lévesque est-il ce tournoi-là, RBC? Exactement. Il y a deux Québécois, là, Dave Lévesque et Hugo Bernard, un amateur, qui vont jouer à l'RBC cette année. OK. Tournoi de la PGA au Glen Abbey à Toronto. OK. Mais tu t'attendais-tu? T'allais-tu là vraiment? C'est sûr que lorsqu'on compétitionne, on veut toujours gagner et on veut toujours bien performer. Mais quand tu t'es allé au RBC à Toronto, tu pensais-tu vraiment te qualifier? Écoute, il y a 4 joueurs qui passaient sur 63. Okay. Donc, c'est sûr que avec les joueurs qu'il y a là, il y a plusieurs joueurs qui ont joué sur la PGA ou sur web.com. Je savais que ça allait prendre une bonne ronde de golf ou pas ça, c'est sûr. Okay. Fait que je m'attendais à Flick. J'avais des bonnes attentes. Là. Moi, je pensais un petit peu que ça allait passer autour de moins 6, plus moins 5, moins 7. Finalement, ça a passé à moins 3. Dans le fond, je m'étais fait des grosses attentes. Ça m'a peut-être nuit un petit peu, c'est sûr, au début. La nervosité. J'ai peut-être voulu un petit peu trop attaquer rapidement, puis j'ai fait des bogeys finalement, au lieu de prendre mon temps, être un peu patient, mais tu sais, finalement, j'ai bien fini, j'aurais quand même pu passer, puis finalement, je me rends compte que c'est quand même pas si loin que ça. T'sais, les gars sont bons, mais nous aussi on est bons, puis on n'est pas trop loin d'eux, puis ça va me pousser à continuer de travailler fort, puis de faire des tournois encore, puis de m'améliorer dans le golf. Mais là, il sait qu'il te manque. C'est l'expérience, quoi. Ce terrain-là, tu le connaissais-tu? Qu'est-ce qui t'a manqué? Parce que t'étais pas loin quand même. Là. Moi, je pense que présentement, la façon que je frappe la balle, c'est vraiment solide. Fait que, tu sais, de ce côté-là, je pense que ça va bien. C'est vraiment plus au niveau de la short game, je te dirais. Putting, chipping, un petit peu de finition là, autour des greens pour essayer de pas échapper de le coup de moins possible, parce qu'en fond, c'est là que ça se passe. Pour faire des potes, les gars, on le voit à TV hier, Mickelson puis Stenson là, au tournoi de l'Omnium britannique, les gars faisaient, ils potent la balle tout le temps proche du trou, puis faut que je pense que là, faut vraiment que j'améliore ma game de cette cause-là. Niveau mental, je pense que ça va bien. Je me suis pas senti trop stressé là-bas. Je me suis senti à ma place quand même avec ces joueurs-là. Puis je croyais en mes chances quand même. Puis tu sais, l'année prochaine, je vais essayer de me qualifier, puis je vais arriver là, puis je vais être prêt, puis je vais croire en mes chances encore plus. Puis je pense vraiment que c'est possible. OK. Ça, c'est à Glenablé, c'est ça? Ça, c'est exactement ça, Glenablé. OK. Donc, c'est souvent là. Donc, tu le connais maintenant, ce terrain-là. Là. Donc, l'an prochain, tu n'auras pas à combattre ça. Donc, tu as appris, dans le fond. Dans le fond, là, les qualifications ne sont pas à Glenablé. À Glenablé, je ne le connais pas vraiment. Okay. Nous autres, on avait une qualification c'était Diamondback. Terrain de golf proche de Glenablé, là, à Toronto. OK. Saint-Prime en fin de semaine. Comment tu vois ça? Moi, écoute, toi et Kevin Fortin-Simard, vous êtes les deux meilleurs golfeurs qui sont sortis dans les 20 dernières années de la région, parce que Chibougamau fait partie de la région, on peut le dire. Y a-t-il une... D'abord, tu vas-tu là pour le gagner? Ou vraiment, là, tu prends-tu ça au sérieux? Ou encore, tu veux battre Kevin? Ben, c'est sûr que... Je m'en vais là pour me faire du fun, première des choses. Ouais. Ça va peut-être, je pense, une belle journée. Ça, c'est des belles journées de fun pour nous autres. C'est des journées plus relaxantes qu'on peut décompresser un peu en jouant au golf, en se faisant du fun. Ouais. Puis, non, je pense qu'on ça va être une petite compétition amicale. Puis on va faire du mieux qu'on peut, c'est sûr. L'année passée, ça avait été le fun. On se faisait du fun. Puis les quatre joueurs, on avait joué de l'excellent golf. Fait que je pense que cette année, c'est un peu le but là. On veut jouer le mieux possible pour attirer le monde, puis faire du fun, mettre une belle ambiance au club de golf. Il y a quoi? L'année passée, on me disait qu'il y avait pas loin de 800 personnes qui avaient été à cette compétition-là. C'est quand même bien organisé pour la région, là. Ben oui, vraiment, vraiment. C'est rare des événements comme ça au Québec. Ouais. Puis on est chanceux au Saguenay-Lac-Saint-Jean, Saint-Brime, d'avoir ça. C'est vraiment une belle opportunité pour nous autres. Puis non, je suis vraiment content encore une fois cette année d'aller là-bas. OK. Est-ce que, dans les prochaines semaines, qu'est-ce qui t'attend? D'abord, le championnat canadien, la dernière, le championnat québécois, à la fin juillet. Puis c'est là que tu vas savoir si tu vas être classé pour le championnat canadien amateur, c'est ça? Exact. Dans le fond, je suis pas mal déjà classé là, pour le Canadien en août. Okay. Fait que dans le fond, là, il y a le championnat provincial fin juillet. Puis c'est ça. Après ça, je vais prendre un petit repos. Je m'en vais à la maison. Puis après ça, je vais aller à Ottawa avec la famille. Je vais aller me préparer comme il faut, faire deux, trois rondes de pratique là, pour le championnat canadien. Puis j'espère bien performer là-bas. Ça va être mon dernier tournoi amateur. Mm-hmm. Je vais essayer de mieux performer, me faire du fun là-dedans, puis d'apprécier les moments. Est-ce que tu veux retourner en Floride cet hiver? C'est sûr que je vais retourner en Floride. Okay. Je ne sais pas encore quelle date. Mais non, c'est sûr que je vais aller en Floride encore cet hiver pour pratiquer mon golf. OK. Dernière question au niveau financier. C'est plus ton père, Marvin, pour que j'aurais dû y parler. Là. Mais est-ce que, bon, je sais que ça travaille fort à Chibougamau pour avoir du soutien des entreprises, et ainsi de suite. De ce côté-là, est-ce qu'il y a du développement? Pas vraiment, je te dirais, c'est encore mon père là, puis mes grands-parents qui m'aident financièrement pour payer mon golf. C'est ça, financièrement, ça marche comme ça de ce temps. Encore une fois. Pierre-Alexandre, ouais. On se reparle bientôt. Excellent, pas de problème. Pierre-Alexandre Bédard de Chibougamau.